Well, we know where we're going, but we don't know where we've been. Vous écoutez Road to Nowhere du groupe Talking Heads. Juliette Vergne, ennoblisseur textile à Mulhouse, a puisé son inspiration dans cette chanson pour créer un foulard Road to Nowhere. Bonjour à tous, bienvenue dans Demain de Maître, votre émission qui va dans les ateliers d'art, lorrain et alsacien, à écouter une fois par mois, le vendredi à 18h. Jusqu'à 18h30 sur Fadjet, Demain de Maître, animé par Olivia. Juliette Vergne, vous êtes ennoblisseur textile. En quoi consiste ce métier ? Alors, le métier d'ennoblisseur textile, c'est un métier qui intervient une fois que le textile est déjà tissé, en fait, et lui confère les opérations finales qui lui donnent des caractéristiques. Par exemple, la teinture, l'impression, mais aussi la broderie. Ça peut être du gaufrage. En fait, c'est vraiment plein d'étapes qui lui donnent des caractéristiques qui interviennent à la fin. Juliette Vergne, quel est votre parcours ? Alors moi, j'ai commencé mes études par une mise à niveau en art appliqué qui a débouché sur un BTS de stylisme, design de mode à Nîmes. Puis ensuite, j'ai continué mon cursus aux Beaux-Arts de Lyon où j'ai obtenu un DNAT, un diplôme national d'art et technique en design textile, spécialité motif et impression. Et comme c'était pas encore suffisant, j'ai continué à Mulhouse pour obtenir un DNSEP, diplôme national supérieur d'expression plastique en design textile. Quand vous dites que ce n'était pas suffisant, c'est qu'il fallait absolument continuer jusqu'au diplôme final ? Ou vous auriez pu travailler par la suite ? Non, j'aurais pu commencer à travailler bien avant et j'ai tiré sur la corde des études parce que j'aimais bien ça. Et alors, en 2000 quoi ? En 2013, 2014, vous êtes arrivée à Mulhouse ? Je suis arrivée à Mulhouse en 2011 pour mes études, ou en 2010, même en 2010. J'ai obtenu l'équivalent de mon master en 2012. Et donc ça fait maintenant 3 ans que je suis indépendante et depuis 2 ans, j'ai un atelier. Et vous avez une particularité, Juliette Vergne, c'est qu'à partir de matières brutes, par exemple la soie, le lin ou encore le coton, vous créez des pièces uniques réalisées en teinture naturelle, sans solvant, imprimées et cousues artisanalement. Pourquoi le choix de la teinture naturelle et du tout fait main ? Au cours de mes études, donc, j'ai découvert la technique de la teinture naturelle, qui consiste donc à teindre les étoffes à partir de plantes ou même d'animaux, d'insectes comme les cochenilles. D'accord. Et je suis vraiment tombée amoureuse de cette technique qui offre des potentiels incroyables et qui est en voie de disparition, qui est de moins en moins utilisée. Et donc je me suis formée à ces techniques par moi-même, auprès de l'association Couleur Garance, notamment dans le sud de la France, qui agit beaucoup pour la teinture naturelle. Et donc j'ai choisi justement de prendre le contre-pied de l'industrie et de valoriser l'artisanat et le fait main. Ouais. Et je pense que c'est vrai qu'il y a un aspect un peu do it yourself et je revendique vraiment l'autoproduction dans ma pratique qui me permet une grande liberté et d'être vraiment le maître de ce que je crée. Et le tout fait main, c'est aussi une question de temps. J'imagine que vous pouvez prendre le temps de produire, de créer. Oui, c'est ça. En fait, c'est vraiment... On prend davantage de temps quand on fait artisanalement parce que chaque procédé prend vraiment un temps. On se rend compte du temps que ça met. Mmh. Et c'est vrai que ça nous permet de recréer un lien avec l'objet. Moi, chaque objet que je le crée avec amour. Et quand après je le vends ou que je l'offre à quelqu'un, je pense que cet objet, il a une véritable âme qu'ont pas forcément les objets industriels. Pour colorer naturellement vos créations, vous avez tout à l'heure parlé par exemple de la cochenille. On peut aussi citer par exemple des pelures d'oignon, de la peau de grenade ou encore du bois d'eucalyptus ou de campêche. C'est des petits exemples. Après, pour des choses plus classiques, j'utilise aussi de la garance, oui, qui est donc la racine d'une plante qui donne un ton orangé tirant vers le rouge. J'utilise également l'indigo, qui est une technique bien particulière. Et après, pour créer des nuances, chaque teinturier a ses petites recettes où on superpose les bains de teinture, on mélange les plantes. Mais je prends une grande attention vraiment... au choix des plantes que j'utilise et au fait qu'elles soient grand teint, parce qu'il y a beaucoup de plantes en fait qui ne résistent pas à la lumière ou au lavage, et je fais vraiment très attention au choix des plantes que j'utilise pour que mes créations soient pérennes. Alors justement, on va se déplacer un petit peu dans l'atelier pour que vous nous montriez comment est-ce que vous créez un carré de soie. Une des premières étapes avant de teindre, eh ben c'est pour certains matériaux, c'est de les broyer. Donc là, je vais broyer des pots de grenade. Mmh. Donc j'ai un petit moulin à café, oui, et je passe ça tout bêtement dans mon moulin à café. Et voilà, donc là, les pots de grenade qui sont très durs se sont transformés en poudre, ce qui permettra d'extraire les colorants plus rapidement. Donc là, ça fait une sorte de poudre jaune, on va dire. C'est ça, ça fait vraiment une poudre jaune. Donc là, je le verse dans la casserole. Donc pour faire de la teinture, on commence par peser son tissu qu'on veut teindre. Donc là, moi, j'ai coupé un bout de soie. Et il fait 100 grammes, donc je vais mettre 100 grammes de peau de grenade. D'accord. Voilà, pour fabriquer ma teinture. Donc c'est toujours le poids du tissu en poids de plante. Bon, sauf exception, il y a certaines plantes qui ne marchent pas comme ça, mais en gros, ça fonctionne comme ça. Là, j'ai broyé ma peau de grenade. Ouais. Je vais rajouter de l'eau, donc à peu près 2-3 litres. Mmh. Et je vais le faire bouillir pendant une heure pour bien que les colorants soient extraits. Et pendant ce temps, je vais mordancer la soie. Donc mordancer la soie, en fait, c'est ce qui permet de fixer le colorant, ça va ouvrir en fait les écailles du tissu pour lui permettre d'accueillir la teinture et qu'elle y reste. D'accord. Donc, pour mordancer la soie, je vais mettre de l'alun en fait. C'est la même chose que la pierre d'alun qu'on utilise comme déodorant, oui, ou comme pierre. En fait, c'est de l'alun en poudre donc qu'on utilise pour mordancer le tissu, donc ouvrir ses fibres et fixer la teinture par la suite. Ok. Je vais peser l'alun. Donc l'alun, j'en mets environ 20%. 20% du poids du tissu en poids d'alun. Donc à peu près 20 grammes, je vais mettre. Voilà. Donc on va mettre cet alun dans l'eau chaude. Après, on va brasser la soie dans cet alun pendant environ une heure. Et ensuite, on le brassera dans la teinture pendant environ une heure. D'accord. Les opérations de teinture prennent au moins 2 heures. Faut être assez patient quand même. Voilà, faut être patient. Donc, en général, on fait pas carré de soie par carré de soie. On fait un peu des petits métrages de soie. En plus, la soie, c'est assez léger. Donc, on peut faire au moins 2-3 mètres à chaque fois, quoi. Ok. Là, je rajoute l'eau dans la poudre de grenade pour le mettre au côté. Et voilà, le travail va se faire tout seul. Les colorants vont s'extraire sur le feu. Je ne savais pas que le métier d'emblésure textile, c'était aussi le métier de cuisinier. Ben, tout à fait, oui. Ben, en fait, souvent dans les industries textiles ou même dans les plus petits ateliers artisanaux, le lieu où on fait les couleurs, ça s'appelle la cuisine, en fait. Ah, d'accord. Voilà, donc c'est véridique. Okay. Et généralement, dans les choses très haut de gamme, même chez Hermès, tout ça, en fait, les gens qui font les couleurs les font à l'œil. C'est vraiment quelque chose d'intuitif, la couleur. Alors là, on peut voir donc la teinture boue à gros bouillon. Mmh. Donc on voit que ça a déjà changé de couleur. Les colorants sont en train de bien s'extraire. On peut voir, ça va être concluant, ça va être un beau jaune. Oui, effectivement, je confirme. Donc là, Juliette Vergne, vous mettez des gants, pour quoi faire ? Donc je vais commencer à mordancer le tissu. Ouais. Donc c'est pour pas avoir les mains mouillées et c'est aussi parce que l'eau est très chaude, alors ça m'isole un petit peu. D'accord. Du chaud. Mais il y a toujours un moment où à force qu'on passe d'un bain de teinture à l'autre, où on manipule, il y a toujours un moment où on met plus de gants et il y a toujours un moment où on a les mains multicolores. On a du vernis gratuit. C'est ça. Je ne sais pas si vous savez, mais quand on a les mains dans l'eau, on a les ongles qui poussent plus vite. Ah non, je ne savais pas. Et donc, il y a des périodes où je ne mets pas du tout de gants et j'ai les ongles qui poussent à une vitesse incroyable. Je ne dois pas aussi faire la vaisselle alors. Donc là, je vais introduire la soie dans le bain de mordant pour commencer donc cette première opération de mordançage. Cette opération dure une heure. Une heure à faire à tourner la soie dans le bain. En fait, ce qu'il faut aussi, c'est bien la déplier et bien la brasser, sinon ça fait des marbrures. En fait, si on la laisse stagner, oui, ça va nous faire une teinture très irrégulière, alors que si on la tourne tout le temps, ça nous permettra d'avoir quelque chose de bien uni. De bien lisse, oui, d'accord. Il faut également bien déplier le tissu régulièrement, pour être sûr qu'il n'y a pas un petit coin qui a été oublié ou qui soit moins, mm-hmm, moins en contact avec le mordant qu'un autre. Donc c'est un petit peu physique quand même. Bon, c'est un peu comme quand on faisait la lessive au lavoir. Oui, c'est un peu la même chose, voilà. Ça donne très chaud. Maintenant, ça fait une heure donc, que mon bain de teinture est sur le feu. Mmh. Le mordansage également est terminé. Donc, je vais effectuer également un brassage d'une heure dans la teinture. Donc, pour vraiment passer au côté coloré. En fait, jusqu'à présent, la soie est restée blanche. Et maintenant, oui, elle va rentrer dans le bain de couleur et vraiment se teindre. D'accord. Donc, pareil, on met la soie dans la teinture. Mmh. Et on touille. Il faut que le bain reste en mouvement. Voilà. Pendant une heure. Pendant une heure. Donc on peut voir que la soie prend les colorants, ouais, assez, ouais, vite. Et ensuite, ça monte progressivement un petit peu en intensité. Et le fait de rester longtemps dans le bain, c'est ce qui fait aussi que ça aura une bonne tenue et que ce sera une teinture grand teint, on, d'accord, dit. Grand teint, c'est-à-dire pérenne dans le temps. Ouais, ça veut dire qu'il tient bien au lavage, d'accord, et pérenne. Voilà, c'est ça. Sinon, on dit petit teint quand ça tient pas. Ça fait un bon moment que la soie est dans son bain de teinture, donc on, ouais, va la retirer, ouais, la rincer et la mettre à sécher. Voilà, ce sera d'accord, une opération avant la dernière étape, qui sera celle de l'impression. Donc la dernière étape, c'est l'étape de l'impression. Donc j'imprime mes motifs sur les morceaux de soie que j'ai teintés. Oui. Donc j'imprime en sérigraphie. Donc en fait, c'est un principe où on passe de l'encre à travers un écran. C'est un peu un principe de pochoir à travers une maille. Donc ça nous permet d'avoir une impression assez fine et précise. Ouais. Et c'est une technique d'impression très répandue et peu coûteuse, qui est même utilisée en industrie. Elle est bien pour un petit atelier, une petite échelle. Elle permet beaucoup de liberté. Donc d'abord, la soie doit être séchée. Donc là, pour vous faire la démonstration, je prends un autre morceau de soie, oui, parce que la soie qui est toute humide, on ne peut pas l'imprimer, en fait. Ensuite, en fonction de la couleur, je choisis un de mes motifs dans mon répertoire. Donc j'ai plusieurs écrans de sérigraphie, donc c'est en gros mes pochoirs avec mes motifs. Je choisis mon motif avec une couleur imprimée par-dessus. Et donc j'imprime avec des encres pigmentaires sans solvant. Et un écran en fait de sérigraphie, on pourrait dire que c'est quoi ? C'est comme un tableau avec un sort de fond ? C'est un châssis métallique avec une toile synthétique qui est tendue dessus, mmh, où une émulsion plastifie certaines zones et nous permet justement de créer ce pochoir. Pour imprimer, maintenant je vais bien positionner mon écran sur ma soie. Je vais mettre de l'encre, donc l'encre avec un coloris que j'ai fabriqué moi-même. Je fabrique tous mes coloris, j'ai des couleurs de base et je fabrique mes encres. D'accord. Et ensuite, je vais imprimer à l'aide d'une racle. Donc là, je vais étaler l'encre sur l'écran, mmh, et ensuite, je vais imprimer. D'accord. Donc ça fait pas vraiment de bruit, c'est de l'encre qui coule. Mmh. C'est assez pâteux. Oui. C'est assez épais, parce que si c'était trop liquide, ça ferait des taches. D'accord. Je suis toute seule pour imprimer. Je pose des poids sur mon châssis, sur mon écran, pour pas qu'il bouge. Ok, ah oui. Donc là, j'ai posé les poids, mmh, et je vais imprimer. Voilà. Donc j'ai fait plusieurs passages pour racler l'encre. Oui. Et donc là, je pense que c'est suffisamment imprimé. Donc je vais retirer mon écran et le rincer. Donc là, vous rincez l'écran. Voilà, je rince l'écran. Parce que si on laisse sécher la pâte pigmentaire dans l'écran, il se bouche et il faut tout recommencer. Donc, il faut rincer pendant que c'est encore humide. Ouais. Au final, comme dans beaucoup de professions, on passe plus de temps à nettoyer que vraiment à imprimer. Ou... Voilà. Donc une fois que l'étape d'impression est terminée, donc on laisse sécher l'encre, il faut à peu près une demi-heure pour qu'elle soit sèche en surface, mais elle est véritablement sèche au bout d'une semaine. D'accord. Donc on peut laver son textile seulement au bout d'une semaine. Oui. Également un petit coup de fer à repasser, un petit coup de chaleur, ça permet de bien fixer. Et après, une fois que mes foulards sont terminés, donc après je m'occupe des finitions. Pour l'entretien, mais moi je conseille un lavage à la main tout simplement. Après c'est aussi parce que la soie c'est une matière fragile, après c'est pérenne et ça tient bien. Juliette Vergne, comment est-ce que vous définiriez votre style ? Je m'intéresse beaucoup aux arts premiers, aux choses primitives. Donc c'est vrai que par exemple, l'art aborigène m'intéresse beaucoup, l'art africain, mais aussi océanien. J'aime également beaucoup tout ce qui est art brut. Et c'est vrai que bon, il y a un mouvement qui s'appelle les Wiener Werkstätte. Donc ils sont les ateliers viennois. Donc en fait, c'est un mouvement un peu utopique, mais pas que, qui a existé dans les années 20, dans les années 30 à Vienne. En fait, où c'était des coopératives d'artisans d'art qui s'unissaient pour créer des objets très beaux. Ils avaient un style très novateur d'un point de vue graphique, géométrique, floral. C'est un peu les descendants de l'art nouveau avant l'art décoratif, et c'est vraiment un mouvement qui m'inspire le plus. Je dirais que vraiment mes deux gros centres d'inspiration, ce sont les Wiener Werkstätte et les arts premiers. Et vous avez un thème là pour la prochaine collection à venir ? Alors, je travaille pas réellement avec des thématiques, mais c'est vrai que ces derniers temps, j'étais dans quelque chose de très géométrique, justement, qui pouvait faire penser à quelque chose de premier. Et là, j'ai envie de partir vers un dessin plus minimaliste, donc quelque chose de plus léger, mais aussi peut-être de toujours dans le dessin abstrait, mais peut-être plus lâché, moins figuratif avec des formes qu'on connaît. Vous pensez à quoi comme forme ? J'ai envie de faire des petits grabouilles. Voilà, des choses très simples, toujours des petits pois, des petits traits. Un retour à l'enfance alors. C'est ça. Dans le métier d'ennoblisseur textile ou de designer textile, quel moment vous préférez ? J'ai pas forcément une étape préférée au cours de la création, parce que c'est vrai que donc moi, je teins, ensuite j'imprime mes motifs et puis je façonne. Vraiment, ce que j'aime, c'est être seule au sein de mon atelier et me perdre dans ces techniques, travailler avec mes mains sans réfléchir, parce que du fait que je sois artisan d'art, je dois également distribuer, parler de mon travail, et c'est pas toujours le plus facile. Donc ce que je préfère, c'est la création et pas forcément le reste. Voilà. Votre atelier, il est installé à Mulhouse. Pourquoi avoir choisi cette ville pour ancrer votre atelier dans l'ennoblisseur textile ? Comme vous le savez, vous, ou pas, en fait, Mulhouse est une ville qui a un grand, grand passé, une grande histoire d'un point de vue textile. En effet, elle abritait énormément de manufactures au 18e, 19e, voire même début 20e siècle. D'accord. Donc c'était vraiment la cité de l'impression sur étoffe. Il y avait également des filatures, on fabriquait le fil, on tissait, on imprimait. Et en fait, toutes ces manufactures ont disparu. À cause de la mondialisation, les entreprises se sont délocalisées. Et c'est vrai que moi, avec mon petit atelier d'artisanat qui revendique le fait main, je fais un peu un pied de nez à cette industrie qui a fermé. Et en même temps, je lui rends hommage aussi, parce que c'est vrai que Mulhouse est une ville qui a des archives incroyables, plein de choses très belles liées à cette histoire du textile. Et je pense qu'on peut réintroduire, réactiver de manière contemporaine des savoir-faire qui se perdent et qui s'éteignent. Alors justement, vous avez parlé de la ville de Mulhouse. Il y a un musée, le musée de l'impression sur étoffe de Mulhouse, et il me semble que vous avez collaboré avec ce musée. Alors oui, tout à fait, j'ai eu beaucoup de chance. Le musée d'impression sur étoffe m'a accueilli à bras ouverts quand ils ont vu ma démarche et mes créations. En fait, ils m'ont proposé de créer un modèle exclusif pour le musée en fonction de la thématique de leur dernière exposition, qui est donc le japonisme. Et j'ai eu accès à leurs archives pour regarder tous les très beaux textiles, dessins, les imprimés japonisants. Et donc, j'ai créé une écharpe sur ce thème du Japon où je reprends un ornement floral et géométrique. Et j'ai utilisé une technique de batik à pâte de réserve, donc qui est très inspirée d'une technique japonaise à base de réserve d'amidon de riz. Oui. Et teintée à l'indigo. C'est une couleur bleutée, on pourrait dire, le foulard ? Tout à fait, oui. Donc, l'indigo, ça donne des bleus. Alors après, on a un grand camélier de bleu, selon du bleu clair au bleu foncé. Mais tout à fait, l'indigo, c'est du bleu. La transmission est aussi importante pour vous, dans votre activité, puisque à côté de vos créations personnelles, vous organisez régulièrement des ateliers d'initiation à la teinture naturelle pour des adultes et des enfants, je crois. Alors, j'anime effectivement des ateliers d'initiation à la teinture, parce que comme je l'ai dit, en fait, c'est une technique qui disparaît, qui se perd. Mm-hmm. Et moi-même, je l'ai découvert grâce à un petit atelier d'initiation comme ça, et j'ai eu un vrai coup de cœur. Donc c'est vrai que ça me plaît beaucoup de le transmettre. Ouais. Et je pense que les gens, en fait, sont fascinés avec ce qu'on peut faire avec des fois des restes de cuisine qui nous permettraient de faire des petites choses sympas à la maison. Comme par exemple. Et ben, par exemple, il y a les pelures d'oignons. C'est vrai que bon, c'est pas forcément la teinture qui tient toujours le mieux, ouais. Mais ça nous donne des jaunes d'or incroyables. Le curcuma, qui est une technique beaucoup employée en Inde et qui nous donne des jaunes d'or magnifiques. Enfin, il y a beaucoup de petites choses. On peut utiliser aussi, par exemple, de la peau d'avocat. Ah. Vous savez quelle couleur ça donne ? Non. Ça donne du rose. Donc il y a plein de choses très surprenantes comme ça, et c'est vrai que c'est vraiment aussi renouer des liens avec la nature, tout simplement, un potentiel qu'on n'imagine pas. Ouais. Et j'accueille également des stagiaires dans mon atelier, c'est vrai, donc vu que j'ai été formée en design textile, j'accueille également des stagiaires plus ou moins du même cursus qui veulent justement se former à ces techniques et voir mes manières de travailler, donc j'accueille également des étudiants en stage. Et étant plus jeune, vous, Juliette Vergne, quel conseil auriez-vous aimé entendre de la part de vos professeurs ou de votre entourage qui vous a fait défaut, peut-être, lorsque vous êtes installée ici à Mulhouse dans votre atelier ? Ce que je pourrais dire, c'est qu'en fait, moi, je viens d'un cursus très artistique. Mmh. Et donc, tout ce qui était la réalité des statuts professionnels, d'une comptabilité, tout ça, j'avoue que j'avais de très grosses lacunes et que j'ai appris beaucoup sur le tas. Et donc, c'est vrai que je pense que des cours d'économie, gestion bien appliqués, voilà, appliqués à des domaines, ça aurait pu me servir. Ouais. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux jeunes qui nous écoutent ce soir ? Donc je suis une passionnée, au cas où on n'aurait pas compris. Et donc je pense qu'en fait, chacun peut vraiment s'inventer son métier et faire ce qui lui plaît. Donc ne vous posez pas de questions, n'écoutez pas ce qu'on vous dit, faites ce que vous aimez, vous en ferez votre métier. Quelle qualité, selon vous, faut-il avoir pour être ennoblisseur textile, designer textile ? Je pense que tout d'abord, il faut être créatif. Après, il faut également être patient lorsqu'on fait de l'artisanat. Ouais. Et puis des fois, il faut aussi accepter de rater. Et donc voilà, en fait, c'est un peu comme un chemin de vie, hein. Il faut accepter de réussir et de rater. J'ai une pratique du dessin, je fais beaucoup de dessins et également des petites éditions de mes dessins. Mm-hmm. C'est vrai qu'après, voilà, j'envisage en fait la création d'un carré de soie comme celle, ça pourrait être une œuvre plastique, un dessin. C'est vrai que je travaille le textile comme je travaillerais n'importe quelle matière. J'y mets vraiment tout mon amour pour créer une image, donner forme un peu à une idée, une vision. Où est-ce qu'on pourra vous trouver prochainement ? Alors, cet été, je serai en phase de production, mais les prochaines expositions seront certainement le Salon Résonance à Strasbourg, donc le Salon Européen des Métiers d'Art qui aura lieu du 6 au 9 novembre 2015. Mmh. Et mon travail sera présenté à Avignon, dans la boutique d'une jeune créatrice qui s'appelle Aurore Pélisson, qui fait également de la teinture naturelle et de l'impression. En fait, c'est une personne avec qui je me suis formée, qui est une amie. Mmh. Et donc, elle m'a invitée comme designer invitée dans sa boutique. Donc, je serai présente dans sa boutique en Avignon tout le mois de juin. Quelles seront vos prochaines créations à venir ? Donc, parallèlement à mes collections de foulards en soie que je réalise en continu, j'ai décidé de réaliser également une collection de châles en laine et d'écharpes pour cet hiver. Donc, quelque chose de plus moelleux pour se blottir. Ouais. Mais je pense que je vais également aller un petit peu du côté du prêt-à-porter et faire une collection de t-shirts, des petites choses plus simples, plus abordables pour les gens, parce que c'est vrai que les foulards en soie, ça reste un peu cher et que je pense que j'aimerais toucher un peu plus de monde aussi avec mes créations. Et justement, vous avez également créé, je crois, une robe, dire un dégradé de rouge pour faire très très simple. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus ? Alors ça, c'est une pièce que j'ai créée pour mon diplôme. C'est une robe un peu qui ressemble à un poisson rouge, je dirais. En fait, j'ai fait donc une teinture à la garance sur soie où j'ai utilisé la technique de l'épuisement du bain. En fait, j'ai teint des bandes de soie jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de colorant et j'ai découpé plein de petites écailles pour faire une robe qui donne une forme un peu de poisson rouge. Merci beaucoup, Juliette Vergne. Merci de m'avoir reçue ici dans votre atelier à Mulhouse. Merci à vous, c'était très intéressant. Et puis on retrouvera toutes vos créations, quelques photos d'atelier dans la page Facebook de Main de Maître. Et puis vous saurez tout pour devenir ennoblisseur textile ou designer textile sur la page de Main de Maître sur le site de la radio Fadjet. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Le mois prochain, j'irai à la rencontre d'un relieur restaurateur de documents anciens installé à Strasbourg. On vous laisse avec le titre qui a inspiré Juliette Vergne. À bientôt.